Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Johnny Cash, l'enfant terrible de la musique country. C'est lui qui nous a inspirés à garder notre foi dans la musique country, dans notre domaine. C'est vraiment le père, le pape, exactement. le king, on pourrait dire. Le king, plus que le king même. Il est comme Elvis, il ne sera jamais oublié. Jamais. C'est comme Elvis. Le chanteur et guitariste country Bobby Hachey, le jour du décès de Johnny Cash, le 12 septembre 2003. Véritable légende vivante, Johnny Cash incarne à partir des années 1950 le renouveau de la musique country aux États-Unis. En 50 ans de carrière, il va enregistrer tout près de 100 albums et en vendre plus de 90 millions d'exemplaires. On peut dire que son côté rebelle et imparfait a su toucher les Américains. I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. The first time I played a prison, I said, this is the only place to record an album live. La première fois que j'ai joué en prison, j'ai dit que c'était le seul endroit où on devrait enregistrer un album en concert parce que je n'avais jamais entendu une réaction aux chansons comme celle des prisonniers. Ils n'avaient pas honte d'exprimer leur appréciation ou leur enthousiasme pour tout ce que nous faisions. Je l'ai mentionné à 3 ou 4 personnes à Columbia, puis j'ai mis l'idée de côté. Ou peut-être que j'ai perdu de l'intérêt pendant un certain temps. Mais je n'ai jamais oublié l'idée. Je retournais donner des spectacles dans les prisons pour hommes, et ça me confirmait à chaque fois, de plus en plus, que je devais enregistrer un disque en prison. I kept going back to prisons, playing shows for the men, and every time I played one, I decided more and more that I had to go to a prison to make a record. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Sur la chanson Folsom Prison Blues, vous entendiez Johnny Cash expliquer en 1968 ce qui l'a conduit à faire des enregistrements de disques en prison. Pour nous parler de ce géant de la musique country qu'a été Johnny Cash, je reçois Pierre Lavoie, qui est historien et chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce qu'il représente, Johnny Cash, dans la culture populaire américaine, Pierre Lavoie? Ben c'est énorme. On l'entend un petit peu en introduction aussi. C'est un personnage qui est à comparer dans d'autres styles musicaux, dans d'autres domaines, notamment à Elvis Presley. C'est un des chanteurs, même à l'extérieur de la scène country, c'est un des chanteurs populaires américains du 20e siècle qui est le plus célèbre et dont la mémoire est la mieux perpétuée, si on veut. C'est aussi un personnage qui est fascinant dans la mesure où il réussissait à rejoindre tous les publics aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il fait penser dans ce sens-là un petit peu à Dolly Parton dans la mesure où c'est un chanteur country qui a réussi vraiment à gagner le public à l'extérieur de la scène country et de ses milieux plus traditionnels, si on veut. Donc, il devient une sorte de point de convergence culturelle qui touche un peu tout le monde. Et j'entendais aussi en introduction que, il procède d'un renouveau du country. On peut carrément dire qu'il participe de la création aussi du country moderne comme on le connaît aujourd'hui. On sait que les institutions de la musique country se développent dans les années 50. Ben, lui, il arrive à ce moment-là et il va marquer vraiment de façon pérenne ce milieu-là. Donc, grande, immense popularité auprès d'un très, très large public. Pourtant, il a cette image d'enfant terrible, de rebelle. Il joue là-dessus, d'ailleurs, de hors-la-loi. Ça vient d'où, ça, cette image-là de rebelle qui lui colle à la peau? On pourrait même dire pourquoi c'est quand même populaire auprès d'un si large public, mais ça vient d'où, cette image-là? Ben, comme beaucoup de personnages artistiques qui réussissent à percer, faut y voir des éléments qui viennent un peu de sa biographie, des éléments qui viennent de la réalité, si on veut, et aussi des choses sur lesquelles il a bien voulu miser. On sait, par exemple, qu'il tablait beaucoup sur cet aspect-là d'une personnalité un peu plus sombre. Il s'habillait tout en noir. Ses musiciens étaient tout habillés en noir aussi. On va l'appeler un peu plus tard dans sa carrière The Man in Black, mais au début de sa carrière, on l'appelait The Undertaker, donc le fossoyeur. Et il va, bien entendu, comme beaucoup d'autres chanteurs, avoir certaines aspects de sa vie associés à la rébellion, comme la consommation de drogue, la consommation d'alcool et tout. Mais lui, il va un peu les mettre en scène, si on veut, mais surtout se rapprocher des milieux carcéraux. On aura l'occasion d'en reparler un peu, on l'a entendu en introduction. Tous ces aspects-là vont faire en sorte que sa personnalité de rebelle attachant ou de rebelle qui cherche la rédemption vont faire partie de son succès, si on veut. Mais ça, c'est cultivé, et puis on y reviendra, mais tout ça est cultivé de sa part. Un petit mot sur ses origines. Il vient d'un milieu très modeste. Dans son cas, on peut même vraiment parler de grande pauvreté. À quoi ressemblent ses années de jeunesse, Pierre Lavoie? Bien, il naît à Kingsland, en Arkansas, en février 1932. Il vient d'une famille très, très modeste, comme vous le mentionniez, et il va déménager à l'âge de 3 ans à Dyess, qui est une colonie qui est fondée dans le cadre du New Deal. Donc, c'est un homme qui va grandir. Les premières années de sa vie sont marquées par l'intervention de l'État dans le sud des États-Unis. Donc, déjà, on sent une certaine dualité ici. On sent deux directions politiques qui vont se mettre à diverger à partir des années 60. Et donc, il grandit dans la grande indigence pendant la dépression. Sa famille cultive les champs de coton dans le sud. Sa famille va aussi être marquée énormément par le décès de son frère aîné Jack en 1944. Ça va marquer énormément sa famille, ça va le marquer lui-même. Il meurt d'un accident et selon ses propres dires, selon aussi les dires de sa famille, le père de Johnny Cash et de Jack va extrêmement mal réagir parce que Jack était... On voyait en lui un futur pasteur, donc c'était le fils favori, si on veut, et il va pratiquement reproché à Johnny que ce soit pas lui qui est décédé à ce moment-là. Donc, c'est assez sombre comme début de vie pour Johnny Cash. Ouais, puis la musique, évidemment, qui s'installe petit à petit, puis arrive à un moment donné, cet immense succès. On va écouter d'ailleurs dans un instant à Walk the Line, mais tout de suite, un petit extrait de Johnny Cash qui en parle à l'émission de Larry King en 2002. How many records have you sold? I don't know. Don't know. Biggest hit? I Walk the Line. I walked the line. It was a hit three times. I keep my eyes wide open all the time. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds because you're mine. I walk the line. I Walk the Line, qui est vraiment un très, très grand succès, l'un des premiers immenses succès qu'aura Johnny Cash. C'est Johnny Cash à l'émission de Larry King qu'on vient d'entendre en 2002. I Walk the Line, ça remonte à 1956, donc vraiment un très, très grand succès. La même année, il enregistre également Folsom Prison Blues, qu'on entendait au tout début de l'émission. Tout ça au célèbre studio Sun Records de Sam Phillips. Parlez-nous de cette période-là, Pierre Lavoie, des débuts dans le métier de Johnny Cash. Oui, bien, il commence la musique assez jeune, à l'adolescence, mais après ça, il va aller dans l'armée. En 1950-1954, il va notamment être mobilisé sur la base de Landsberg en Allemagne. Puis c'est à son retour, il va se marier avec sa première femme, Viviane Liberto, et il va déménager à Memphis, Tennessee, dans l'espoir de devenir animateur de radio, puis surtout de faire de la musique. Et ça va être assez vite, ça va se passer assez vite. Donc, en 1955, avec ses musiciens Luther Perkins et Marshall Grant, il va faire des auditions avec Sun Record. Il va avoir certains premiers succès en 1955 avec Hey Porter et Cry, Cry, Cry. Et par la suite, c'est là que ça va vraiment se mettre à débouler. Je pense qu'une des choses qui est le plus fascinant de l'étiquette Sun, c'est le nombre de talents et la concentration de talents qu'il y avait à ce moment-là. Donc, Johnny Cash va côtoyer en tournée et dans les studios Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, le pianiste, Carl Perkins, le grand guitariste de Rockabilly. Il y a même des enregistrements un petit peu des bootlegs qui vont être diffusés de certaines séances d'enregistrement qui réunit les quatre personnes. Et donc, c'est vraiment en 1956, là, avec Folsom Prison Blues et surtout I Walk the Line, que sa carrière professionnelle va prendre son envol. Assez rapidement, par contre, comme ça a souvent été le cas chez Sun, il y a eu des problèmes contractuels. Puis, dès 1958, il va quitter pour rejoindre l'étiquette Columbia. Mais il y a eu certaines mésententes. Sun a gardé certains droits. Il n'avait plus les droits sur certaines chansons. Mais bref, assez rapidement, il s'établit dans la scène country et dans la scène de la musique populaire américaine comme un nom important, dès la fin des années 50. Et le son, tout de suite, le son de Johnny Cash, il est là dès le début. Comment le décrire, ce son-là, ce style Johnny Cash sur le plan musical? Ben avec nos oreilles d'aujourd'hui et les catégories qu'on connaît, je dirais que ça surfe toujours un petit peu, ça marche sur la mince ligne entre le rockabilly et la musique country. Il y a une certaine simplicité dans les arrangements. Par contre, faut pas sous-estimer le travail de studio. On entend l'importance des échos, l'importance de la réverbération sur les guitares, et son style musical est absolument indissociable de sa voix de baryton, sa voix très grave qui lui permet de chanter sur des thèmes assez graves aussi. Donc je dirais c'est vers la simplicité, mais faut pas sous-estimer non plus le travail qui est fait de réalisation derrière ça. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Les années 60 sont à la fois de grandes et de sombres années pour Johnny Cash. Durant ces années 60, il devient d'abord une immense vedette avec des succès énormes comme celui qu'on vient d'entendre, Ring of Fire. Mais les années 60, c'est aussi pour Johnny Cash des années sombres, des années de défonce pour lui. Comment résumer cette période de sa vie, Pierre Lavoie? Bien, vous l'avez dit, c'est vraiment la période des excès de tous les côtés. Donc, on peut dire que c'est la décennie la plus faste au niveau de sa carrière, notamment au début de la décennie. Comme d'autres chanteurs populaires, il va faire un peu de cinéma. Il va notamment jouer dans le film Five Minutes to Live en 1961. Il va connaître d'énormes succès, comme vous l'avez dit, avec notamment Ring of Fire. Et c'est aussi la décennie où il va de plus en plus se présenter comme un musicien qui a des positions politiques. Notamment, il va sortir l'album conceptuel Bitter Tears en 1964 en soutien à la cause des Autochtones aux États-Unis. Il va recevoir un accueil assez mitigé et tout au long de cette décennie-là, ça va être comme ça. Il va prendre des décisions artistiques, des décisions commerciales qui peuvent paraître controversées, mais va réussir quand même à atteindre un certain succès. Et en filigrane de tout ça, il y a la consommation de drogue, il y a la consommation d'alcool, il y a ses nombreuses relations extra-conjugales qui vont faire en sorte, notamment, de mettre fin à son premier mariage. Donc, Viviane va se divorcer en 1966, avec qui il a eu 4 filles. Et donc, c'est une décennie qui va vraiment dans les extrêmes pour Johnny Cash. Oui, et c'est intéressant parce que, donc, des prises de position dans ses textes, dans ses disques, et ça nous éloigne de cette image. Enfin, il y a certains chanteurs country, Pierre Lavoie, qui chante un peu la pluie et le beau temps. C'est pas le cas chez Johnny Cash. Ah non, du tout. Et on a parlé de Folsom Prison Blues. À la fin des années 60, en 1968, il va enregistrer des albums à San Quentin, à Folsom Prison aussi. Et on l'entend, notamment dans les paroles de ses chansons, mais aussi à travers les différents extraits, prendre position, dans le fond, déplorer les conditions absolument misérables dans lesquelles les prisonniers aux États-Unis sont souvent condamnés. Et il va faire pareil aussi dans certaines chansons, comme je disais, sur Bitter Tears. Oui. Il va chanter sur Ira Hayes, il va chanter sur des héros autochtones aux États-Unis qu'on oublie, qu'on veut laisser de côté. Et il y a quelque chose de constamment poétique chez Johnny Cash. Souvent, on pense à la musique country comme quelque chose, justement, vous le disiez, la pluie, le beau temps. Il va réussir à toucher cette simplicité-là de la musique country, mais en ayant toujours la possibilité dans ses textes d'aborder des sujets complexes, des sujets profonds, des sujets souvent assez sombres aussi. Oui. Oh, here he is. John. John, come over here. Hi. John, I certainly want to thank you for appearing with us here on our program. All night long, I've seen June in and out of here looking for you. It seems like she's worried about some trip you're planning. Are you going? Well, I was going to take her down to see Carl Perkins in Jackson. Oh, this is where I go out, too. Johnny Cash et June Carter au Ralph Emery Show en 1967. Johnny Cash reçoit un prix Grammy pour ce duo qu'il enregistre avec June Carter en 67. L'année suivante, il l'épouse. Quelle importance elle va avoir, June Carter, dans la vie de Johnny Cash? Une importance énorme. Il la connaît depuis les années 50. Ça a été une amie, ça a été une maîtresse aussi. Elle a une importance même familiale, si on veut, parce que c'est sur la musique de sa famille, sur la musique de la famille Carter que Johnny Cash, notamment, découvre son amour pour la musique du bon vieux temps, comme on l'appelait à l'époque, la old-time music. Et par la suite, elle va avoir une importance dans la mesure où elle va l'appuyer, elle va beaucoup le supporter dans ses efforts pour arrêter la consommation d'alcool et de drogue. Et il va avoir beaucoup de rechutes. Bon, il va réussir une première fois à la fin des années 60 à devenir sobre, mais il va avoir des rechutes jusque dans les années 80 et tout. Et elle va toujours rester à ses côtés. Ça, c'est une première façon dont elle le supporte, mais aussi d'un point de vue artistique et musical. Ils vont faire énormément de collaborations ensemble jusqu'au décès de June, en fait, en 2003, qui va être suivi du décès de Johnny Cash assez rapidement. Mais ouais. Bref, c'est une femme extrêmement importante dans sa vie. Et puis comme Johnny Cash, il est au firmament, on l'a dit, c'est vraiment une super vedette, immense vedette aux États-Unis. Évidemment, le monde politique veut s'en rapprocher, veut profiter de cette aura. En 1970, le président américain Richard Nixon invite Johnny Cash à la Maison-Blanche, mais Johnny Cash lui réserve une surprise. We're very happy to welcome all of you tonight at this evening at the White House. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à cette soirée à la Maison-Blanche. Il est assez difficile de décrire Johnny Cash dans des termes qui sont peut-être convenables. Et la musique qu'il représente ce soir s'appelle la musique country et western. Mais je pense que c'est vraiment de la musique américaine parce qu'elle parle de la vie en Amérique, d'une manière qui touche le cœur de tous les Américains, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Mesdames et messieurs, Johnny Cash. Ladies and gentlemen, Johnny Cash. Of course, in order to say something to somebody that might be meaningful, you got to kind of get them on your side. So I had these words, a poem that I wrote to the youth of America. And the lonely voice of youth cries, "What is truth?" Little boy of three sitting on the floor looks up and says, "Daddy, what is war?" "Son, that's when people fight and die." Little boy of three says, "Daddy, why?" Young man of 17 in Sunday school being taught the golden rule. And by the time another year's gone around, maybe his turn to lay his life down. Can you blame the voice of youth for asking, "What is truth?" J'ai vu le tortillement sur la chaise de Nixon quand Johnny chantait What is Truth. Nixon était assez intelligent et assez attentif pour être mal à l'aise. Young man sitting on a witness stand. Man with a book says, "Raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear." Judge looked down at his long hair. And although the young man solemnly swore, nobody seemed to hear anymore. And it didn't really matter if the truth was there. It was the cut of his clothes and the length of his hair. And the lonely voice of youth cries, "What is truth?" Extrait du documentaire Tricky Dick and the Man in Black. Tricky Dick pour Richard Nixon, bien sûr, et The Man in Black pour Johnny Cash, un documentaire réalisé par Sarah Doza et Barbara Couple en 2018. Vous y avez entendu le président Nixon présenter Johnny Cash, la sœur de Johnny Cash, Joanne Cash, et le chef de cabinet de Richard Nixon, Alexander Butterfield, qui, eux, commentaient la réaction du président durant la performance de Johnny Cash à la Maison-Blanche. Il faut dire que cette chanson, What is Truth, que Johnny Cash chante à la Maison-Blanche le 17 avril 1970, c'est un peu une surprise qu'il réserve à Richard Nixon, Pierre Lavoie. Qu'est-ce que ça nous dit, cet épisode de la Maison-Blanche, sur le positionnement politique de Johnny Cash? C'est vraiment une petite capsule qui nous permet de déplier énormément justement du côté politique de Johnny Cash. Comme on le disait, c'est un personnage qui est au milieu de plusieurs milieux justement. Donc à la fin des années 60, il y a son émission, le Johnny Cash Show sur ABC. Il invite autant des artistes de la scène country que carrément des dissidents de la guerre du Vietnam, des musiciens folk de gauche comme Bob Dylan, comme Pete Seeger, Johnny Mitchell. Et il va constamment essayer d'aller rejoindre ces deux côtés-là. Il s'est positionné à certains moments pour la guerre du Vietnam, mais après son passage là-bas pour jouer pour les troupes avec June en 1969, il va être extrêmement déchiré aussi. Donc, c'est avant tout un patriote et non un conservateur, Johnny Cash, ce que Richard Nixon va très mal comprendre. Il va l'inviter comme une vedette du country pour venir chanter des chansons qui ne sont même pas les siennes, en fait. Il va l'inviter à chanter des chansons notamment de Merle Haggard et des chansons qui sont assez stéréotypes. C'est des stéréotypes de la musique country, des trucs très conservateurs, très à droite. Et Johnny Cash va en premier lieu dire qu'il va chanter ces chansons-là, mais une fois arrivé sur les lieux, on le sait justement, il va chanter des trucs comme What is Truth, et qu'il va s'attaquer directement à la stratégie politique, à la stratégie partisane de Richard Nixon, en disant non, il ne faut pas étouffer les voix de la jeunesse et celles qui contestent la guerre du Vietnam, celles qui font les mouvements des droits civiques, il faut les écouter. Même si on n'est pas toujours d'accord, il faut être à l'écoute de ces personnes-là, et ça fait partie de notre devoir patriotique comme Américains. From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew, the tree of life grew. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. Redemption, une chanson tirée du disque American Songs que Johnny Cash enregistre à la fin des années 90. Ça nous permet, Pierre Lavoie, de terminer cette émission en parlant du Johnny Cash de la maturité, celui des dernières années, de tenter aussi peut-être de mesurer un peu l'héritage qu'il nous laisse. Que dire de ce Johnny Cash des dernières années? Bien, dans les années 80-90, bon, il n'est pas un même sommet de succès que dans les années 60, mais il va quand même avoir du succès avec notamment le groupe The Highwaymen qu'il fait en collaboration avec Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson. Et par contre, c'est surtout cette série d'enregistrements-là de la fin des années 90 qu'il va faire avec le producteur Rick Rubin, qu'on connaissait à ce moment-là comme producteur des Beastie Boys, de Run DMC, Public Enemy, System of a Down, donc du côté du rock alternatif, metal alternatif et du hip-hop aussi, et il va aller voir Johnny Cash et lui proposer d'aller vraiment faire des versions très épurées de ses anciennes chansons, mais aussi des reprises qui pourraient être significatives et qui pourraient gagner par sa voix. On pense notamment à la chanson Hurt de Nine Inch Nails qui va complètement être réinventée et être beaucoup plus connue en fait sous sa version de Johnny Cash. Et l'héritage, dans le fond, de Johnny Cash, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il va rester même dans la mémoire une personne qui unit et qui divise en même temps, parce que à peu près tout le monde aime Johnny Cash et en même temps, à peu près tout le monde a une version politique différente de son Johnny Cash, même dans la mémoire, ce qui en fait un personnage absolument, absolument fascinant. Et c'était absolument fascinant de vous entendre nous en parler. Pierre Lavoie, historien et chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale, merci beaucoup. Merci, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know.